t'en vas? Oui. Où tu vas? À la fac. Tu as des petits amis anglais à la fac? Donc, toutes tes affaires. Tu t'en vas? Tu t'en vas? Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? À la fac. Où va Mireille? À la fac. Pendant que Mireille va à la fac, Robert continue son exploration du quartier latin. Il est 10h40. Un autre jeune homme se promène et remarque une jeune fille. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, comment, vous ne me reconnaissez pas? Robert, lui, découvre le Panthéon. Il voit un groupe de manifestants qui viennent de la rue Soufflot, prennent le boulevard Saint-Michel et se dirigent vers la place de la Sorbonne. Ils crient des phrases incompréhensibles. Robert arrête en passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça? Je sais pas moi, c'est une manif? Une manifestation. Ah, dit Robert, et il suit les manifestants. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Robert voit un groupe de manifestants. Un groupe de manifestants. Un groupe de manifestants. Il voit un groupe de manifestants. Qu'est-ce que Robert voit? Un groupe de manifestants. Il crie des phrases incompréhensibles. Des phrases incompréhensibles. Il crie. Il crie. Il crie des phrases incompréhensibles. Que font ces manifestants? Il crie des phrases incompréhensibles. Robert arrête un passant. Il arrête un passant. Un passant. Il arrête un passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. C'est une manif. C'est une manif. Une manifestation. Une manifestation. Et il suit les manifestants. Il suit. Il suit les manifestants. Qu'est-ce que Robert fait? Il suit les manifestants. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Il entre dans la cour de la Sorbonne. Dans la cour de la Sorbonne. Il entre avec eux. Avec eux. Il entre avec eux. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Où entre-t-il avec eux? Dans la cour de la Sorbonne.